Personne n'a pu me suivre, je suis désolé pour ceux que ça triste. Mais j'ai stoppé le temps où je déconnais, c'est démodé. D'ailleurs, chaque jour j'en agrandis l'écart, vite isolé. L'envie me dévore de voir de nouveaux décors, tout décodé. Mais t'auras ma trace si je t'aime et mes hommages. C'est qui tout double avant que la vie me comprenne ou le contraire. Ça c'est pour ceux, laisse de côté où les moutons n'avancent plus seuls, c'est plus sur un troupeau et c'est ce qu'on court. Tous entre nous qui fait qu'on court après l'autre. Sans prendre le temps d'effacer les contours, moi contre tous. A savoir pourquoi j'attends mon tour, je me prétends servir à quelque chose, pareil que le mon tour. Et de nos jours, les vieux veulent devenir jeunes pendant que les gamins rêvent de voir venir l'avenir et le prendre en main. Me regardons de bas pendant que je gratterai les sommets. Car avec toi, je passerai mes pas. Ma vie, c'est quoi mon frère? Sur le dernier que de rater le premier, c'est déraper devant la mort ou avoir sa vie en main. Je suis pris au mot, larme à l'œil, je fête tout seul Noël et Nouvel An, tous mémorisent. Je porte le deuil de ceux qui m'en ont voulu, de ça que j'évolue à déclencher direct une avalanche de mes valeurs. Car elles s'oublient en voit que c'est malheur. Et puis des fois je rêve que le Seigneur nous fasse un monde meilleur. Juré craché, toutes mes promesses sont toujours similaires. Ouais, je me vois mal, aller prier chaque jour au séminaire. Pourquoi quand ça va pas, je lutte contre mes tendances criminelles. Exhale au mal, et retiens ça, c'est comme j'écris mon nom, que je crie ma rage dans tout endroit, que soit à Dimoulon, c'est le petit Nina. On veut un peu de ma peau m'éliminer, ouais quand je suis là, que je déballe tout, on ne peut m'imiter. Ni m'imiter, je t'invite, fais comme chez toi, mais ma terre est minée. T'interroges pas demain si je prends le large, donc voilà, je termine moi là. L'écriture sacrée, sacrée, mes critères dans mes cris. Ouais, seuls les miens me reconnaîtront, car synchro, je m'y suis consacré tôt tard, plutôt. Que de m'entêter d'apporter le trottoir, caractère fondé, car j'ai raclé le fond trop tôt, j'ai rampé. Moi je rappelle soir et depuis le matin, car ça me fait pas de me taire. Ouais, c'est plein de mythos qui font et qui imitent croire que le ciel en bleu de mon temps. Moi je suis pas là pour être ton pote, ni t'éclater, ni te clasher, ni te laisser ma place, ni t'épater. C'est pas tout, c'est pour nous que je précise qu'on fait ça. Quitte à rester dans l'ombre, à faire nos trucs seul, ouais, c'est ça, ça semble facile. Et le mouvement s'écrase, car les basses s'effacent et beaucoup n'ont pas sa face. Peu m'impressionne, j'ai toujours su dissocier le faux du vrai. Je me dis que pour réussir dans la vie, faut pas rêver. Mais maintiennent, mes propos sans répit. En effet, se maintiennent, sans repos mes récits paraissants. Moi, qu'est-ce que je vaux, tous paresseux, paraissants. C'est par ces deux que je reçois par insulte, par insulte. Péter ton bar derrière ton comptoir, pendant que des jeunes deviennent stars à la télé sous contrat. Mon buvard gavé par ces gens qui se lâchent bavard. Une certitude, je prends pas la grosse tête, demande à Bouvard. Sans Bouvard, ces enfants qu'on enfonce à l'enterrement. Plus personne d'entier, tout le monde pense à se faire aimer. Pendant ce temps, ce gosse de 10 ans sodomisé, à nos traumatiser, la vie est belle. Tu disais, sans repère. Moi, c'est pas les pieds qui me font jubiler, c'est 20 ans, je fais le bilan. Je crois que c'est déjà ciné, je rappe pour rien. À 6 ans passe à tout le succès. La réputée de cette pute assise qui s'excite, qui s'excite. J'y croyais mais plus rien de fascinant. Tout a l'air facile quand tu t'y mets, mec t'es si loin. De façon discrète je me distrais. Mais c'est qui se traître, dis-lui qu'il se teste. Sans faire que je veux que mon fils naisse. Sans repère. Toutes ces pompes funèbres se remplissent. Ouais beaucoup prennent place et j'apprends que je les remplacerai avec souplesse. C'est faire tout avec finesse qui m'estimait. Je recommence tout quand ils finissent. Comme dire non ou partenaire son pire ennemi. De petits parano voient tout de haut comme les Pyrénées. Un rasta rasé ou un skinhead de rasta roquette. Un pasteur qui raquette ou un manchot pickpocket. Sans casquette ou habillé d'un costard. 4000 centaines de fumée non abrité par mon code postal. Sans postal. SPK sacro ou micro test. Ça rentrait dans le contexte que mon texte conteste. Un message. C'est de mon cœur que mon encre sort. Découplé entre potes, on se croit pas au centre de tout. Le fameux crew, la ferme chute, reste calme. Toujours amical, nous. Quand nos familles craquent, seuls parmi tous, pour la paix, le respect, on fume le mic, l'arme à la main. L'art en moi, pour essuyer les larmes de merde. Attends mon âge, large et mon âme. Exhaleur, voilà mon nom, d'ici à là. Un jour viendra le son volumineux, écoute, ok. Aussi puissant qu'un coup de coude, mon gars, qu'un coup de coude dans les côtes. Sors-tu la mort qui rôde, qui va tenir son rôle. L'état versus ce voyou, ça fait quoi d'être sur le trône ou sur la voie, vendre des cailloux, ce serait si simple. D'avoir les coudes serrés au fond de ses runes, pas exister qu'en numéro de série au nom de ses rimes. Rien à prouver de nos vraies œuvres d'art. Les portes sont ouvertes, on se fout d'entrer dans les héros de ce rap. J'ai m'en bats les couilles, que les gens sachent tout, je viens d'en bas les coups. Sous tous ces vandales et les petits ne ressentent pas les cours dans tout sens large. C'est marche ou crève, ils te rendront les coups. C'est tout un malheur et pour percer, je lui passerai sur le corps, je suis sûr de moi. Oui, j'ai personne, j'ai appris sur le tas. Aussi confiant que 600 gendarmes cernés sur le toit, je contrôle le coup de ce scandale, même dans un drôle d'état. Ouais, ça fait longtemps que mes douleurs, mes paroles les nettoient. Et je m'engage dans un langage où tout cela m'entendre. Ma grande âme apprend que rares sont ceux qui peuvent se faire attendre. Et sache-le, sans barata, tout le monde part à temps. Et pour te prendre en main, t'as pas besoin de l'accord parental, on meurt un peu. Chaque jour une part grondaire, c'est en écrivant que je survis, me parle pas de commentaires, mes potes d'avance ne s'en font plus, s'enfoncent dans la défense et ils sont pleins. Pendant que j'hérite de la foi véridique, mes vers adorent se moquer de tout parce que je manque de temps pour faire ce que je voulais. Quand je m'écoute pas, ça me flanque une crampe. Je tire une crampe, tête de ta fête, mais maman santé, maman sache que je vais réussir, j'ai tellement pas.